Ne suis que grain de sable, toujours frais et aimable, qui boit, qui rit, qui chante, pour plaire à son amante. Tout doux, ma chère belle, aimez votre amant frère, il n'est que grain de sable.